Mon nom est Trunks. Ça peut paraître étrange, mais je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. C'est incroyable! Ah, ça, Soti! Oh! Yannick Home! Oh! Leur puissance est stupéfiante, même selon nos standards. Ce sont des monstres! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Animinute EX Alpha Prime. J'en ai jamais autant écorché le nom. Aïe, vous avez vu, hein, vous avez vu. Oh, c'est la première fois qu'il présente, laissez-le. On voit le connoisseur. Hein. Le connoisseur. Le connoisseur du village caché de Konoha. De Konoha, évidemment. De la feuille. De la feuille. Et dur un peu de la feuille aussi. Incroyable. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode. Je suis en compagnie d'Arthur. Et oui, sur les réseaux, c'est Ninja Nudiste. Incroyable. Et oui, aujourd'hui, c'est pas lui le présentateur, c'est moi. Il m'a tout piqué. Et... ma femme, mon gosse et mon job. Et oui, et même son chien. Et, oui. Et son chat, parce qu'il ne faut pas déconner, les animaux c'est cool. Quel fumier. Et aujourd'hui, Arthur va nous parler d'un jeu. Ouais. Un jeu qui nous a été gentiment donné par Koch Media, que l'on remercie. Envoyé, on peut même dire. Envoyé, même carrément. Oui. On a même eu une invitation. Enfin, vous avez pu voir sur les réseaux, évidemment. Les réseaux de. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre le podcast sur Twitter, @animinute_x. Ah oui, EX, pas avec le Alpha. Je suis même pas sûr en plus que c'est ça leur base, mais croyez-moi sur parole. croyez-le. Ce jeu, c'est King of Fighters 15. Et oui. Alors, qu'est-ce que King of Fighters 15 pour les auditeurs qui n'auraient jamais joué à un King of Fighters? Eh bien, pour nos très chers auditoristes qui n'auraient jamais entendu parler de King of Fighters, c'est fort probable. On l'a vu d'ailleurs à l'époque, genre à l'annonce de Terry Bogard dans Smash finalement. Ah oui, beaucoup ne connaissaient pas King of Fighters. Et finalement, un peu à raison. Enfin, raison, c'est que il a toujours. C'est un jeu de combat, comme son nom l'indique. Hein. C'est le roi de la castagne en québécois. J'adorerais, mais non, voilà. Donc, c'est un jeu de combat 2D qui a beaucoup, en tout cas, cohabité avec Street Fighter et depuis quelques années qui a plutôt vécu dans l'ombre de Street Fighter, malheureusement. Ouais. En tout cas, pour le grand public, évidemment, beaucoup moins pour les aficionados de Castagne. Okay, oui. Et donc, jeu de combat en gameplay 2D, donc vraiment, du coup, pour comparer à la Street Fighter, va-t-on dire. Ouais. Donc, on se déplace sur un plan 2D, un personnage contre un personnage, et on se met des mandales pour faire tomber la vie de l'adversaire, pour résumer bêtement. Très bien, très là, bien. On va être, par contre, en team de 3. Et donc pas en team à la Dragon Ball Fighters pour citer le plus connu en ce moment, ou un Marvel vs Capcom, etc. Ah oui, donc pas de support. Donc voilà, on va pas venir pouvoir changer de personnage en combat ou les appeler en support. Mm-hmm. Mais c'est qu'à la place d'avoir 2 rounds, par exemple, chaque round est un nouveau personnage et le but c'est d'éliminer l'intégralité de l'équipe adverse ou de ne pas se faire éliminer l'intégralité de son équipe. Ah ouais. Donc en gros, mon premier personnage va battre celui en face. Je vais garder ma vie avec mon personnage, plus un petit bonus de PV quand même, de heal. Mmh. Et derrière, je vais devoir aller me taper les autres. Et s'il me tue mon personnage, pareil, lui, il va rester avec sa vie, plus un petit bonus. Et je vais récupérer mon deuxième personnage, etc. etc. D'accord. Et donc, tout ça va pouvoir... en fait, on est vraiment, pas en tag team du coup, mais en crew battle, finalement. Ah oui. Et donc, ça permet du coup de varier un peu les plaisirs et surtout les match-up, ce qui est plutôt intéressant parce que là, on pourra avoir que du 1v1 dans... beaucoup moins de jeux de baston évidemment, mais dans beaucoup de jeux de baston maintenant, donc contre son alors plus gros concurrent, ça c'est à débat aujourd'hui pour le coup, mais voilà, dans l'un de ses plus grands concurrents, Street Fighter, où on est en 1v1. Oui, c'est vrai. Et du coup voilà, on peut connaître tous les match-up sur ce personnage là et du coup voilà, un match-up ne fait pas toute une game, et fort heureusement. Qu'est-ce qu'un match-up? Ah, très bonne question, Eric. Match-up, en gros, c'est les avantages et les désavantages face à d'autres personnages. Je joue Ryu, j'ai des avantages face notamment à Bison, des choses du genre. Ah oui, j'ai pas les match-up de Street en tête, hein, ne me frappez pas. Voilà, c'est que, évidemment, c'est chaque personnage a des avantages, donc, parce que sur son kit d'attaque et de pouvoirs spéciaux, face à d'autres adversaires. Et donc, tout ça va venir... jouer sur finalement la possibilité de gagner, c'est que on peut plus facilement gagner avec tel personnage contre tel autre personnage et inversement plus facilement perdre contre d'autres. Et donc apprendre des match-up, c'est se dire je sais très bien affronter ce personnage là avec mon personnage, j'ai appris le match-up. Je sais que du coup, s'il me fait un dragon, je peux lui faire un Tatsumaki en face. S'il me fait un Psycho Crasher, je peux lui faire machin et tout. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est apprendre un match-up. C'est apprendre à contrer un personnage avec le personnage qu'on joue le plus. Ah oui, tu t'adaptes au donc, rythme. Voilà, donc quand on joue qu'un seul personnage, finalement, on est limité à un match-up du nombre de personnages d'un jeu. Donc Street, je sais plus, c'est 45 personnages de mémoire. Ouais. Le dernier, en tout cas. Donc voilà, donc on a 45 match-up à jouer. Voilà, c'est beaucoup de travail, évidemment, comme tous les jeux de baston. Ouais. Mais voilà, quand on commence à taffer, voilà, c'est des choses qu'on apprend. Et bah là, du coup, vu qu'on joue en 3v3, on doit prendre 3 personnages fois tous les autres match-up possibles. Donc là, donc c'est 59 personnages dans King of Fighters 15. Donc c'est 3 fois 59 match-up à apprendre, évidemment. Et suivant que du coup aussi... et on peut dire, ok, bah, en plus, les match-up vont venir différents parce qu'il y a des personnages qui seront beaucoup moins bien en tout début de combat, donc sans barre, face à des mecs 100% PV ou autre. Alors que d'autres, du coup, eux, en les mettant plus loin, enfin en mettant deuxième ou troisième position, ils arrivent déjà avec un peu de buff, donc des barres de super, des choses du genre. Et donc, bah, ce match-up-là va beaucoup changer parce qu'il va arriver tout full PV, mais avec déjà des barres de super, et donc il pourra pouvoir déjà peut-être faire des choses plus intéressantes. Ah oui, c'est beaucoup plus stratégique qu'un Street Fighter, entre guillemets. Il y a un positionnement d'équipe stratégique à jouer, comme beaucoup de. Finalement, de mecs qui enfin de jeux de baston en team donc Fighters pour ne citer le plus connu où finalement l'ordre aussi peut jouer beaucoup notamment là pour le coup dans le tag et pas pour le vrai match-up parce que là finalement comme je disais l'équipe va vraiment être là pour jouer ça et pour du coup avoir à prendre plusieurs personnages et plusieurs équilibrages en tout cas. D'accord et qu'est-ce que t'as aimé dans ce jeu de combat par rapport à d'autres jeux de combat parce que on va pas se dire que on a joué à beaucoup de jeux mais on s'est quand même souvent combattu sur divers jeux et De toute façon c'est pas un secret c'est que vous avez lu le nom de l'émission hein. EX, Alpha Prime c'est des grosses références encore une fois à Street Fighter que ce soit toi ou moi on est grands fans de jeux de baston. Moi j'ai fait quelques jeux en compétition dans ma folle jeunesse. Oh le mec! Non, et voilà, c'est pour faire un peu un background de mon truc en jeu de combat. Énorme joueur de Street Fighter 4, surtout à partir d'arcade, version arcade 2012. Ah oui. Très très, donc après jusqu'à Ultra, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Énorme joueur de Skullgirls, avant seconde encore, pour le coup. Meilleur Valentine d'Europe, hein, on l'oubliera jamais. Oh énorme joueur de Persona 4 Arena et Arena Ultimax. Tu vas y rejouer Ouais, bah l'online, ça va dépendre de l'online, là ça va beaucoup jouer là-dessus. Donc, mais je suis un peu chaud, ouais. Après, je vais toujours sur PS3, donc après je le relance un peu comme je veux, mais bon. Oui, c'est l'online, quoi, c'est au double online. Voilà, oui. Pas mal de Smash, beaucoup de Dead or Alive 5. Superbe jeu, superbe. Très très grand jeu, Dead or Alive 5, beaucoup de Fighters que j'avais adoré également. Très et bon après, jeu, voilà, ça va être ceux que j'ai beaucoup beaucoup taffé. Et à côté, en général, dès qu'un jeu de baston sort, je le tâtonne parce que j'adore ça, tout simplement. Oui. J'en ai joué à beaucoup, ça m'amuse beaucoup. J'ai fait plein de tournois un peu du schnapps. Voilà, c'est des choses qui me bottent beaucoup. C'est un genre que j'aime énormément parce que, déjà, entre amis, je trouve ça cool, ça m'amuse. Puis il y a toujours quelque chose derrière qui est beau à en tirer, peu importe la qualité du jeu. Oui. Voilà, c'est par exemple, j'aime beaucoup le Battle of the Grid, du coup Power Rangers, que je trouve que c'est un très bon jeu, mais du coup, voilà, c'est des jeux qui sont beaucoup soumis à leur communauté. Ah, ça, et puis, à l'envie de jouer PVP, hein, c'est que je suis arrivé à un âge où je joue beaucoup moins en ligne, en fait, tout simplement. Ouais, ou alors très peu, c'est que je vais y jouer un temps et je vais arrêter, à part les jeux de cartes, évidemment, on en parlait dans Master Duel, précédent épisode d'Alpha Prime. Mais voilà, donc voilà, je suis un passionné de jeux de baston, mais pas forcément un énorme joueur de jeux de baston. Donc, vois le taf que c'est derrière. Mm-hmm. J'ai déjà mis du temps dedans, mais voilà, je suis pas un Maximilian Dude, je suis pas tout ça. Voilà, c'est. Ouais, tu seras pas sur l'Evo, par exemple. J'irai pas à l'Evo, j'ai pas leur niveau, je n'ai jamais eu leur niveau. Mais voilà, j'avais un bon niveau régional sur certains jeux très précis, notamment ceux que les jeux personne ne joue. Hein, c'est facile d'avoir un niveau sur ces jeux-là. Veux comme ça. Mais voilà, bref, j'adore ça, j'adore en voir, j'adore y jouer. Et donc moi c'est des jeux qui m'intéressent et toujours à tâter, donc évidemment j'avais joué à une énorme partie des King of Fighters, donc j'avais sauté le 14, mais j'avais énormément joué au 13. Le 13 était... Pourquoi j'avais sauté le 14 notamment, j'avoue que son aspect graphique ne m'avait pas beaucoup intéressé. Et du coup en fait j'avoue que l'habillage m'avait pas forcément attiré, du coup bah j'étais passé à côté. Et du coup, bah, maintenant, bah, il y a le 15. Et du coup, voilà, pour pas... je rebondis sur mes propres propos. Je suis un trampoline park humain, finalement. Oh le mec, on peut lui sauter dessus. Ouais, vous pouvez me sauter dessus, allez-y. Et bah, en fait, c'est l'aspect graphique, déjà, bah, il y a eu une dissociation avec le 14. Il y a eu un changement. Ah, 13, full 2D, 14, full 3D. Ouais. Ouais, en full 3D toujours, mais allez. Par contre, il est très très beau. Vraiment, là, donc je l'ai testé sur PS5 et PS4, et j'ai testé les deux versions, parce que du coup, je l'ai en démat, donc ça me permet de télécharger les deux versions. Ah bah oui, donc oui. Plutôt pas mal. Donc après, voilà, j'ai quand même testé en PS4 sur ma PS5, donc un peu de temps de chargement, évidemment, quand même un peu accéléré, mais graphiquement, du coup, on voit la différence. C'est pas énorme, mais voilà, plus de lumière, plus de particules, évidemment, un classique sur Next Gen. Ouais, bah oui. Et donc, bah, le jeu est très beau, franchement. Des très beaux effets de lumière, très dynamiques, et surtout ils ont mis beaucoup de travail de mise en scène des ultras, et donc c'est cool à voir, c'est que ils ont remis, voilà, ce côté un peu spectacle. Spectaculaire et spectacle au jeu de combat, qui est important, hein, parce que c'est des jeux qui sont énormément visuels malgré tout, finalement la vue est le plus important, et donc voilà, c'est que c'est très bien modélisé, un chara design voilà, toujours aussi atypique, ça c'est cool à voir, ouais. Que ce soit dans les anciens ou les nouveaux persos ou dans les redesign, et voilà, c'est très beau, c'est fluide. Ça tourne très très bien, que ce soit la version PS4 ou PS5 là-dessus. Par contre, c'est hyper agréable à jouer. Donc voilà, sur l'aspect technique pur, ça c'est, pour moi, ça a été une réconciliation en tout cas avec la licence. Donc, et ça, j'ai l'impression que dans l'aspect général, c'est le cas aussi. Donc ça, c'est cool. Et un habillage, ça y est, on est revenu aux habillages très sobres dans le jeu de baston. Street Fighter avait un peu mis le pas, 5 avait mis le pas là-dessus, des barres très simples, très juste visibles, au simple. Après, les 4, etc., qui étaient vraiment... très très visuel, très catchy. On l'avait un peu critiqué, genre là c'est un en arrière. Guilty X Drive est revenu là-dessus aussi, ou très très très simple dans l'UI, dans l'interface utilisateur. Ouais, dans l'habillage, tout ça. Et là pareil, on revient dans le simple, c'est lisible. L'important c'est de voir le combat, mais quand même de voir du coup toutes ces barres facilement. Et ça c'est cool à voir. Par contre, dans l'UI et surtout dans l'UX du menu principal, là on est vraiment à l'ancienne. Des menus, sous-menus, c'est pas au point des jeux Arc 6 type Guilty, ouais. Qui sont très très très imbuvables dans le menuing, malheureusement. Là, King of Fighters, c'est quand même encore beaucoup de menus, sous-menus pour arriver à un truc, et ça c'est un peu chiant, malheureusement. Même pour avoir les coups spéciaux, suffit qu'on ait regardé les coups spéciaux d'un de nos trois personnages. Ouais. Si on y retourne avec un deuxième, ça ne sera pas automatiquement sur ce nouveau personnage, on sera sur l'ancien, donc il faut revenir, il faut aller chercher les trucs. Oui. Pas ouf. Voilà, deux, trois petites choses comme ça qui sont un peu dommages dans le menuing. Mais enfin, j'allais dire, on est habitué, mais on ne devrait pas s'habituer à ce genre de choses. Non, malheureusement, on est en 2022. Je pense qu'il y a assez d'exemples de menus simples en face pour le faire, quoi. Ouais. Donc voilà, là-dessus, très bien. Et donc, ce qui m'a plu, sinon, en termes de gameplay pur, parce que c'est des jeux à gameplay, hein, là, il n'y a pas de souci. Bah, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas dépaysé. Si vous avez déjà joué à King of Fighters, c'est un King of Fighters. Il y a très, très peu de nouveautés. Il y a beaucoup d'améliorations de choses existantes. Mm-hmm. Et on retrouve la ruée, notamment, qu'on avait déjà. Donc la ruée, c'est un peu le combo automatique de KOF. On matraque carré, et en fait, suivant ce qu'on va faire derrière, on va faire telle attaque, telle ultra, telle super, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui est pensé pour les néophytes évidemment, mais aussi qui est pensé un peu comme dans Fighters ou autre, à être intégré vraiment dans le gameplay, à ce que même un joueur de haut niveau l'utilise, parce que la rue va venir enclencher un combo, reprendre un combo, etc. Donc, ça c'est cool, c'est qu'on peut quand même déjà appréhender le jeu sans jamais l'avoir touché, même si le jeu n'est pas là forcément pour reprendre la main. Il y a un très bon tuto, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas un jeu. Et en plus, c'est un jeu qui demande un peu de maîtrise pour s'amuser grandement. Un peu comme Mortal Kombat, il y a le côté visuel. Mais pour avoir des combos dans Mortal Kombat et avoir un jeu fluide, il faut commencer à y aller. Injustice, des choses du genre. Ah bah oui, il faut. Pas à ces points-là non plus. Mm-hmm. Mais voilà, c'est un. C'est, bah même comme un Street finalement, hein, c'est que ça demande un peu de temps d'adaptation. En tout cas, c'est pas rigide, mais voilà, c'est. Faut linker quoi, les combos. Okay. Et donc voilà, c'est la ruée est de retour. On a tout ce qui est du coup guard. Guard rush, un truc comme on ça. On a les gardes, on a les guard rush, la EX guard rush. C'est un jeu qui est très très dans la sur la défensive, KOF notamment. Ah oui, et beaucoup de lecture de jeu d'adversaire. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est un jeu qui, quand on va être en phase de combo, va être très rapide. Et quand on est en phase d'attente, donc de lecture de jeu, va beaucoup se ralentir. Et ça, c'est intéressant du coup de voir un peu cette rupture d'ambiance et de tempo. Ouais. Ça, c'est cool. Et donc voilà, donc, j'ai récupéré mes notes, incroyable. tout ce qui est guard break, esquive, guard cancel, blowback. Voilà des, ah des oui, termes. Que des esquives, que des blocages. Donc spéciaux, en gros, pour un peu traduire tout ça, c'est qu'on peut évidemment péter la garde, le classique. Il y a surtout une esquive. Donc l'esquive, en fait, ça va être. On va faire une roulade en arrière ou derrière l'adversaire. Ah oui, donc, ça, on fait une roue, on fait c'est une pas, roulade. C'est pas nécessairement à la frame en plus, donc c'est pas mal, c'est que c'est assez permitif. Mm-hmm. Et donc, c'est-à-dire que si vous visez le jeu de votre adversaire comme il faut, vous allez pouvoir carrément esquiver le coup et venir prendre le combo, etc. etc. Donc, même si vous êtes pressé en coin, donc au bord de l'écran, vous pouvez revenir assez facilement. Et il y a moins ce côté frustrant de certains jeux, bah, de beaucoup Dark Souls, des combos où une fois qu'on est pris dans un combo, on n'a pas trop de match-up. Faire, ouais. C'est pas un jeu très aérien en plus, donc on est toujours à peu près au sol, donc c'est-à-dire qu'on peut toujours à peu près faire de l'input, donc taper sur des touches, et donc ah, ça c'est oui. cool. Okay. C'est qu'on n'est jamais trop pris au désespoir, et ça c'est cool. Donc voilà, guard cancel, on fait une garde, on cancel tout de suite par une super, du coup on passe à travers le combo adverse. Guard cancel, blowback, on va faire ça... on va cancel sa garde pour pousser l'adversaire pour pouvoir le enchaîner avec un vrai combo. Voilà, il y a énormément d'options défensives et ça c'est très agréable, c'est que on va venir comme le veut finalement ce jeu en 3v3, ouais. lire l'adversaire et s'adapter à l'adversaire et forcément s'adapter à nous aussi pour avoir chaque combat très unique ou en mode on va pas juste rester sur nos acquis de je connais mes combos, je connais mon perso, on va devoir se fier aux acquis de l'adversaire pour finalement jouer une partie unique à chaque combat. C'est ça qui me plaît un peu dans KOF et surtout dans celui-là. C'est vraiment que chaque combat est unique, à la différence par exemple d'un beaucoup d'Arc System. Je suis très fan des jeux Arc System, ouais. Donc Dragon Ball Fighters, Guilty Gear, Blaze Blue notamment pour ne citer que Uniel, etc. etc. Mais du coup, c'est vraiment des jeux où finalement, il y a évidemment des lectures d'adversaire, hein, je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais effectivement, c'est qu'à partir du moment où on connaît nos combos, dès qu'on a, on va lire l'adversaire le temps de trouver l'ouverture, et dès qu'on a l'ouverture, ces combos, on le valide au max, dès que ça touche le sol, ok, qu'est-ce que je fais à ce moment-là, je recherche une ouverture, je refais mon combo, etc., etc. Il y a beaucoup de choses dans ce genre de jeu, mais après voilà, c'est le jeu, et c'est le jeu est pensé comme ça, alors que là, voilà, on va être vraiment dans, pas forcément grappiller de la vie, mais plus que de l'ouverture, c'est essayer de chercher, ok, il va faire ça, donc il faut que je fasse ça, ok, bah, vu que je peux faire ça, là, je peux faire tel combo, du coup, parce que je connais mon perso. Ah, donc oui. Ça c'est cool, donc ça c'est plutôt agréable, tout un arbre de défense ou d'options pour s'adapter quoi, exactement. Et donc voilà, et donc ça va être ça vraiment qui est intéressant. Et donc voilà, il n'y a pas de grosses nouveautés de gameplay mais beaucoup d'amélioration de tout ce qui est existant dans toutes ces défensives. On retrouve évidemment les super, les EX, les ultra EX, ultra cancel, etc., ultra, etc. les classiques, tout prend de la barre évidemment. Le mode, il y a un mode break. Mode break, c'est un peu un mode super. Pendant ce mode, on peut faire des ultras, on peut linker plus de choses, on peut bourrer les EX, etc. On a le blowback est plus simple. Voilà, c'est un mode où on est un peu overpowered. Ah oui, c'est un peu un classique. Donc voilà, c'est dans le gameplay, comme je disais, c'est beaucoup de choses assez classiques de la licence. Donc les fans s'y retrouveront. Mm-hmm. Pour les nouveaux joueurs, parce que les fans de KOF, justement. Je pense qu'eux, ils ont sauté. Les nouveaux joueurs, alors le jeu de baston général, vous allez retrouver des facilités, hein. C'est un jeu à 4 boutons, donc petit point, petit pied, gros point. Gros point. Voilà, tout simplement, rien de plus compliqué que ça, et à partir de ça, on mix up, hein, des quarts de cercle, des charges, des hauts, des bas, c'est des combos voilà, dans la moyenne de façon de la difficulté. Quoi. Ouais, c'est donc, quand même faisable. Tous les persos, c'est pas que du quart de cercle et autres, comme beaucoup de jeux dernièrement, et bien. Moi, je suis plutôt pour la facilité d'exécutable dans les combos. Là, voilà, c'est vraiment, on va avoir des persos à charge, certains à quart de cercle, certains à double rotation, à grab, etc. Ah, etc. Oui. On est à l'ancienne là-dedans, mais pas au point des premiers Blaze Blue, premiers Guilty, où il faut faire 800 000 inputs pour faire un combo. Voilà, on est dans la moyenne des jeux de combat classiques, à la street, etc., etc. Donc voilà, pas trop dépaysé là-dessus. Et on a un bon tutoriel quand même qui explique tout. Ça, c'est cool, qui est plutôt bien foutu. Ah oui. Et ça, c'est bien. On peut reprendre quand même de base. On a vraiment tenu par la main depuis le déplacement, donc là-dessus, c'est quand même cool. Mais voilà, c'est... Pourquoi, par contre, je déconseillerais aux néophytes, ça va être les modes de jeu. Ah. Les modes de jeu sont très, très légers. Donc... Le jeu est fait pour jouer en online, ça c'est clair. Ouais. Il a un netcode en rollback. Donc... Qu'est-ce que le netcode en rollback ? Alors, le netcode en rollback, c'est un peu le Saint Graal des joueurs de baston en ce moment. En tout cas, tout le monde a accès à la bouche et a raison. Les jeux de baston, quand on joue en ligne, en gros, le netcode, donc le netcode, c'est en gros c'est le codage de l'online, hein, pour un moment ah oui, t'entres une bêtement. Touche, ça va exécuter. Voilà, c'est, j'appuie sur une touche, ça l'envoie au serveur, ça l'envoie à l'adversaire et ça l'affiche. Ouais. Ça, c'est le netcode. Et en gros, dans le jeu de baston, pour que ce soit fluide et rapide, ça va un peu prédire. Par exemple, si je fais un combo, je sais pas, je fais bas gros point avec Ryu dans Street ou autre. Ouais. Derrière, il va se dire, ok, il va sûrement faire un Hadoken. Voilà, ouais. Très bien. Ouais, il y a une IA qui... Sauf que, en fait, bah, des fois, tu fais pas un Hadoken derrière, parce que, bah, en fait, t'es humain, donc tu peux très bien faire autre chose. Oui, tu peux faire un autre bouton, tu peux... Et bah, du coup, ce problème, c'est que souvent, ça s'arrête net. Genre, on commence à faire un Hadoken, et dit, attends, merde, il fait autre chose. Et du coup, lag, etc., désynchronisation, ah, oui. Chiant. Le rollback netcode, il y a un rollback dedans. Et en fait, il va dire, ok... S'il si voit que tu fais pas l'input que tu fais, donc si je fais pas un gros pied à la place de mon petit pied, genre le netcode veut dire ok, là il va forcément faire un gros pied, c'est la suite logique de ce combo, machin et tout. Mm-hmm. En fait, non, je fais un petit pied. Et bah ok, il va venir en arrière, il va le recalculer et il va l'envoyer à l'adversaire. Plutôt que de faire pause et de reprendre un peu à l'état où il est, c'est en fait pour l'adversaire, c'est seamless. Oui. En gros, c'est, il va revenir en arrière dans ses calculs et le renvoyer. Et en gros, du coup, on est quasi suivant le ping de chacun à la connexion évidemment. On est sur des matchs extrêmement fluides et pas de frustration de hachure, de lag ou de saut de l'image, en tout cas. Ah oui, donc... Et donc, il a un rollback netcode, comme le réclame comme beaucoup de jeux. Il y en a plein qui n'en ont pas, malheureusement. Ouais, hein. Bah, encore récemment, je crois que Guilty, ou je ne sais plus quel jeu de baston dernièrement ne l'avait pas, et bref, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais voilà, donc malheureusement, ça n'en ont pas. Je crois même que du coup le Persona 4 Arena Ultimax PS5, je suis même pas sûr qu'il ait un rollback netcode. Bah, mais... Je crois que Smash pareil, il en a pas. Hein. Non mais Smash, le problème c'est la pas... console, ah, oui, c'est vraiment oui. L'internet. Okay. Okay, mais bref, okay. Voilà, donc rollback netcode, Saint Graal. Donc voilà, côté en ligne, on a évidemment les exhibitions classées, etc. etc. Les voilà. Tournois. Bon, en ligne, il y a vraiment tout ce qu'il y a à faire, des tournois en ligne. D'ailleurs, Core Media organise un tournoi en ligne, je crois dans, enfin récemment sous peu. N'hésitez pas à checker leur réseau. Oh. Voilà, donc il y a plein en ligne. King of Fighters. Voilà. Et donc voilà, à part l'online, donc, qui est quand même le gros morceau, hein, donc lui il est très bien. Donc si vous voulez juste jouer en online à un jeu de baston, même en tant que néophyte, allez-y. Vraiment, voilà. Mais en tant que néophyte, on a envie de s'entraîner, etc. Donc mm-hmm. On a un mode entraînement. Et donc on a un mode histoire. L'histoire, en gros, c'est un mode arcade. Voilà. D'accord. Mais voilà, et ce qui est bien, c'est que l'histoire, du coup, va prendre à la suite de King of Fighters 14. Et suivant, donc il y a des teams en fait. Qui existe dans le jeu, on peut faire des teams qu'on veut, mais si on prend les trois mêmes persos de la même team, on a une histoire du coup qui sera dite, et du coup en faisant, on peut avoir du coup 30, il y a 39 persos, donc il y a 11 teams, donc il y a 11 fins différentes. Je suis Matman. 13. Ah, là, là. 13, désolé. Allez, allez, désolé, allez. J'étais presque. J'ai vu la mauvaise réponse. Je voyais Eric Chouet. Bref. donc voilà, donc 13 fins différentes. Donc voilà, il y a quand même. Et bien sûr, c'est les néons d'arcade à l'ancienne. Hein, donc le boss de fin va vous racler le cul parce que c'est un boss injouable. Voilà, mais c'est quand ce qu'on quand vous l'aurez, bah, il sera nul parce que tous les boss dans les jeux de combat, dès qu'on les a en personnage. Donc voilà, c'est très cool. Il y a déjà de quoi faire, du coup. On va faire 13 fois un mode arcade. Mais voilà, c'est un jeu de baston. Donc au final, c'est pas très grave. Mmh. Avec cinématique, doublé, etc. Et bah voilà quoi. Si on a un mode mission combo, donc évidemment faire des inputs de combo classiques, mais ça c'est un truc de néophyte, c'est plutôt un truc d'entraînement. Voilà. Ah, mais c'est plutôt dur parce que le plus c'est souvent, des choses très c'est dur. 5-6 premiers combos, et voilà, ça va. C'est pas ça, un truc de néophyte, c'est ce que je disais, c'est vraiment des trucs durs. Mais voilà, pas de time attack, pas de survival, pas de tous ces trucs classiques quoi. Ah, donc il y a quand même un écart avec beaucoup de jeux de combat en 2D qui proposent quand même pléthore de, bah, de modes. Un minimum de modes solo. Minimum, ouais. Après, ouais, évidemment, en mode versus, hein, 1v-com, comme v-com, 1v1, etc. Heureusement, mais ouais, ça manque un peu de mode de contenu solo pour accrocher les nouveaux joueurs. Donc il ne s'adresse pas trop à eux, malheureusement, je trouve, malgré le tuto. Mais en tout cas, au nouveau joueur, vraiment de baston pur et dur. C'est pas mon premier jeu de baston, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà, en gros, moi, ce que j'ai retenu de ce King of Fighters 15. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions ? Eh ben presque, il y en a une. Parce que bon, dans tous les jeux de combat à suite, on se dit, bah voilà, quand il y a des nouveaux persos, est-ce que c'est juste un nouveau perso ou est-ce qu'il y a quand même assez de nouveaux persos pour se dire que le roster, donc l'ensemble des personnages du jeu, vaut le coup. Ouais. Tu vois. Est-ce que toi, t'as ressenti un renouveau ? Bon, peut-être pas du 14 au 15, vu que t'as pas fait le 14, mais au moins du 13 au 15. Alors, du 13 au 15, sans aucun doute. Hein. Donc, comme je disais, 39 personnages. Si je dis pas de bêtises, c'est 6 nouveaux persos, donc 2 nouvelles teams entières. Ah oui, quand même. Oui. Donc évidemment, il y a certains qui ne reviennent pas. Oui. Et surtout, c'est que ce qui est pas mal dans KOF, ce que fait rare moins d'autres, en tout cas d'autres bastons, c'est qu'il y a beaucoup de rework des anciens, quand même. Moi, je suis notamment un gros joueur d'Athéna. Ouais. Ah oui, et Athéna, elle a vraiment plus rien à voir déjà avec le 13. Ouais. Et ça, c'est cool, c'est qu'on retrouve les classiques du perso, mais il y a assez de rework pour découvrir un nouveau personnage en tant que tel. Donc, ça, c'est quand même agréable, c'est qu'on voit qu'il y a un gros taf de fait, même les classiques Terry Bogard et son frérot et des choses du genre. Ah oui, cette team-là, voilà. Toujours incroyable. Voilà, c'est. Enfin, Q, enfin, O, etc. Jizowar, voilà, c'est... tout ça. Il y a les classiques évidemment dedans, mais voilà, on va retrouver les bases, mais ils ont toujours leur nouvelle particularité du jeu, quoi. Ok, ah oui, donc moi qui me suis arrêté, si je me souviens bien, la dernière fois que j'ai joué à King of Fighters, c'était maximum 2000, un truc comme ça, ou je sais plus, enfin c'était un 2D, c'était pas celui en 2D, oui, bah, 3D de l'époque sur PS2. Je vois. Je serais pas trop dépaysé, mais par contre, une personne qui a jamais joué à King of Fighters pourrait quand même, enfin, même si ça s'adresse quand même à des joueurs de combat, pourrait être dépaysé si elle connaît rien du tout, quoi. C'est peut-être pas forcément le meilleur jeu pour un débutant, j'imagine. Voilà, bah alors s'il a déjà joué à un jeu de baston, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est pas, comme je disais, c'est vraiment pas mon premier jeu de baston, quoi. D'accord, ok. Bah moi ça me va, je suis assez satisfait. Est-ce non, que ça te donne un peu envie quand même de jouer au jeu ? Eh ben oui, parce que du coup, bon, si on compte le nombre de King of Fighters qu'ils ont passé, ça fait quasiment 15 King of Fighters, j'imagine. Si on plus, compte. Hein. plus, à mon avis, mais oui, enfin, le fait que ce soit plus en 2D comme à l'époque, sachant que moi je me suis arrêté à du 2D ultra pixelisé, donc bon, c'était l'époque, hein, on va pas. Oui, évidemment. Moi, je suis pas un kéké graphisme non plus, hein, tu vois, je préfère le dire. Mais oui, enfin, moi, des trailers que j'ai vus, ça m'avait donné envie, tu vois. Mais je suis plutôt un joueur solo, donc je vais peut-être attendre avant de me lancer directement dedans. Peut-être qu'il y aura des mises à jour, je sais pas. Il y aura des DLC déjà, ça c'est sûr. Voilà, donc je me dis, parce que je me connais, si je l'achète, je vais me faire les 39 personnages, enfin, je vais me faire les 13 teams. Puis après, bah, je vais peut-être essayer le online vite fait, ou alors juste jouer avec mes potos, quoi. Oui, non, voilà. Mais le online pur, je sais pas, tu vois. Bah, disons qu'il faut donner du temps, évidemment, ouais, dans ce genre de jeu. Parce que les premiers niveaux sont rigolos et après on va juste vite se faire laver le cul, quoi. Ah bah oui, de toute façon, quand je regarde quand je regardais les tournois de l'Evo de King of Fighters, ils étaient beaucoup moins que les jeux que tout le monde auquel la majorité joue. Par contre, le niveau derrière, bah, ah bah toujours. Là tu peux même pas donner un coup de poing, t'es déjà lavé, t'es déjà par terre, enfin. Ah oui, bah c'est sûr, c'est le jeu. Donc ouais, non, oui, moi je me le ferai un jour, ça c'est clair. Et bah avec grand plaisir. Et on se battra dessus. Et patate de forain. Évidemment. Et bah merci d'avoir présenté ce podcast en tout cas. Ah bah merci d'avoir présenté ce jeu. Et bah enfin... c'était un plaisir en tout cas. Et ben bah, pas... encore merci à Core Media de l'avoir évidemment envoyé. Ouais, merci à vous. Et bah on se retrouve, je prends la place. J'ai ouvert, tu fermes. Écoute, je vais conclure. Et bah du coup, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'AniMinute EX Alpha Prime, et dans un peu plus longtemps, en tout cas pour un épisode principal. On ne vous oublie pas, il est prévu. En tout cas, des bisous et à très bientôt. Bisous.